autre regard sur le monde. Une autre possibilité, bifurcation possible dans le présent. Comité composé par hybride, moi, Flore, Marvin Bass, t'entends pas, Marvin Bass, t'entends pas, Marvin Bass. N'importe quoi. Merci. Pardon, je me suis enflammé. Hey.